empressé. Je me souviens, c'était hier, à me baigner dans le lit de la rivière où m'ont porté sur les flots d'autres chimères. J'ai dérivé. Il m'a fallu tenir la mer. Je m'en vais sur un radeau, un vaisseau de bataille. Au fil de l'eau, à la dérive, sans gouvernail, en matelot, passé là-bas, rire de corail. Galérien et capitaine, j'écumais mes jours à la belle au chant des sirènes. À court terme et au long cours, pour des mules océaniennes, à fond de cale dans mes parcours. À la grand voix, brisez mes chaînes. En batelier, navigateur solitaire, pouvant passer sur mon île insulaire. J'ai louvoyé au nez des navires de guerre pour y laisser toutes mes peines à long d'amour. Désemparés, m'a poussé le vent fatal, abandonné et à la vague et à l'opale. J'ai pagayé dans les courants de ma détresse pour te donner. Un SOS.